Que Cassio l'aime, je le crois volontiers. Qu'elle l'aime, lui, c'est logique et très vraisemblable. Le mort, quoique je ne puisse pas le souffrir, est une fidèle, aimante et noble nature, et j'ose croire qu'il sera pour Desdémona le plus tendre mari. Et moi aussi, je l'aime, non pas absolument par convoitise, quoique par aventure je puisse être coupable d'un si gros péché, mais plutôt par besoin de nourrir ma vengeance, car je soupçonne fort le mort lascif d'avoir sailli à ma place. Cette pensée, comme un poison minéral, me ronge intérieurement, et mon âme ne peut pas être et ne sera pas satisfaite avant que nous soyons manche à manche, femme pour femme, ou tout au moins avant que j'aie inspiré aux morts une jalousie si forte que la raison ne puisse plus la guérir. Pour en venir là, si ce pauvre limier vénitien, dont je tiens en laisse l'impatience, reste bien en arrêt, je mettrai notre Michel Cassio sur le flanc. J'abuserai le mort sur son compte de la façon la plus grossière, car je crains Cassio aussi pour mon bonnet de nuit, et je me ferai remercier, aimer et récompenser par le mort pour avoir fait de lui un âne insigne et avoir altéré son repos et sa confiance jusqu'à la folie. Se frappant le front. L'idée est là, mais confuse encore. La fourberie ne se voit jamais de face qu'à l'œuvre.